plein d'habitude, sans pouvoir affirmer si je m'ennuyais. Est-ce le choc qui fut rude, ou mon manque d'aptitude, tel un séisme à dire vrai, sur moi elle est tombée. La peinture est belle, je suis tombé. Cette aventure n'a pas dû croyer. J'ai le manque d'elle si j'ai touché. Elle est comme les autres, je peux oublier. Tous les actes sont contre toi, j'écoutais. Si je perds, si je perds, si je perds. Les extrêmes pour univers, la folie, les crises de nerfs, la jalousie est sévère, comme le désir sans repère, où n'existe pas de règles écrites, avec elles c'est nos limites, comme un rêve trop fort pour être vrai, les usures, les blessures pour attester. Si je perds, si je perds, si je perds. La surprise est telle, si je perds, ce n'est pas un coup mais un danger. L'aventure est belle, je suis tenté. Cette aventure n'a pas de croyer. Déjà le nom de tête si je touchais. Elle est comme les autres, plus oubliée. Tous les actes, c'est contre toi, j'écoutais. Si je perds, si je perds, si je perds. Si je perds, ce n'est pas un coup mais un congé. L'aventure est belle, je suis tenté. Cette aventure n'a pas de broyer. Mais pas le monde d'être si j'ai touché. Elle est comme les autres, faut s'oublier. Tu le tapes, c'est contre toi.